errer. Et après le refrain. Bémol, so, non. Bon, on va faire simplifier do, G, do, sol, la, et ré. Thank you. truc, y a un truc que j'aimerais faire. C'est, est-ce que vous savez jouer Éteins la lumière, éteins la lumière. Montre-moi ton côté sombre. C'était quoi ça déjà? À force de se... De se voir, on ne se voyait plus. C'est quoi ça, D4? À force de se voir, on ne se voyait plus. Accessible pour moi. Oh non, il aime pas Milos. Peut-être que même le riff était sympa quand même, ce truc. Sans déconner, c'était un riff agréable à jouer. Montre-moi ton côté sombre. Regarde les ondes qui est. Cherche un peu de lumière. Tout est clair. Bon ben, Bilos il veut pas la faire. Bon, je vais vous laisser 2 minutes. Je vais aller voir si Edo veut pas la faire avec moi. Parce qu'Edo il est tout seul. Ah, il est parti, merde. Il est parti. Bon, bah, il est parti, Edo. T'es pas content. Il est là, le batteur, encore hein? Le batteur. Il est parti, le batteur? C'est dégueu. Ça s'est arrêté. Je peux pas monter, je peux rien toucher l'ordinateur. Ah, ça s'est bloqué. Alors je sais pas si vous m'entendez, mais mon ordinateur s'est complètement bloqué. Je peux rien écrire, rien faire. Je peux pas changer. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel là? C'est revenu. Il est où le batteur? Il est parti? Bon, allez. On va plus vite alors.